Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a visiblement l'honneur d'inaugurer les cycles de conférences. Donc, aujourd'hui, pour cette communication, elle sera à deux voix, donc la mienne et celle de Bernd Zeller, sur le sujet, donc l'apport de l'histoire sur l'impact des usages anciens des forêts du Grand Est, notamment sur le bilan carbone et la fertilité minérale des sols. Donc, il s'agit aujourd'hui de vous présenter quelques études qui ont été menées par des équipes pluridisciplinaires d'archéologues, d'historiens, d'écologues, de scientifiques spécialisés dans les écosystèmes forestiers, en partant du constat que la gestion passée d'un milieu influe fortement son évolution, et ceci sur le très long terme. Donc aujourd'hui, le milieu, on parlera du milieu forestier, et on sait que la surface forestière a considérablement fluctué dans le temps. Depuis le néolithique, les surfaces boisées ont fait place à des activités anthropiques. En période de guerre et d'épidémie, la forêt va reprendre souvent sa place. Et puis, au XVIIIe siècle, on a une grande période de défrichement et d'utilisation assez drastique de la forêt, jusqu'au XIXe siècle, où là, la surface forestière va réaugmenter. Donc une histoire de l'occupation du sol assez mouvementée qui va donc impacter ces sols forestiers actuels. Donc les premières études, elles ont eu lieu dans les années 90 par des chercheurs de l'INRA qui ont travaillé sur des sols forestiers avec Étienne Tambrin, Jean-Luc Dupouet, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, et Marc Benoît, donc, qui ont mis en évidence l'impact de pratiques agricoles anciennes sur la végétation des sols et des forêts reboisées donc dans le massif des Vosges. Donc ces sols au XVIIe siècle étaient occupés par des anabaptistes qui avaient été chassés de Suisse. Et ces anabaptistes sont des fins agriculteurs qui ont surtout utilisé avec intelligence la fertilité animale. Et ces sols agricoles en nature de culture ont été reboisés entre 1880 et 1920. Et ils ont donc fait l'objet de diverses analyses, à la suite desquelles les conclusions ont été que sur ces anciens sols cultivés, on avait des richesses en azote, des sols qui étaient plus profonds à cause de l'épierrement des labours, des teneurs élevées en phosphore, et un petit peu moins d'acidité, et des teneurs aussi plus faibles en carbone. Donc les problématiques ont évolué depuis ces premières interrogations, où on va non seulement s'intéresser à des périodes d'occupation plus larges, mais aussi à la gestion du bois de ces parcelles forestières, puisque les deux facteurs nature de l'occupation du sol et gestion de la forêt impactent les écosystèmes forestiers actuels. Donc le travail de l'historien, notamment en matière de recherche des sources écrites, ne va souvent pas répondre exactement à l'attente du scientifique, puisque en matière de quantification et de localisation, on est toujours quand même dans la précision par rapport à une localisation exacte d'une parcelle forestière. Mais on a, pour certaines questions, des documents qui peuvent quand même être très précis, notamment pour tout ce qui concerne les industries très consommatrices de bois, surtout au XVIIIe siècle, comme ici une représentation des verreries dans la forêt de Darney, dont on peut avoir des représentations exactes avec ces plans comme ces contrats d'encensement qui indique, on voit ici, la parcelle de forêt qui va être utilisée pour le fonctionnement de la verrerie, qui fait quand même 500 arpents, donc ça fait à peu près quand même 200 hectares, et puis l'emplacement ici de cette verrerie de Pierreville, que l'on voyait sur le plan avant, qui est sur c'est une carte d'état-major, ça, hein. Donc sur la carte d'état-major, on voit ici la verrerie de Pierreville qui existe encore, et donc avec toutes les clairières, verrières dans la forêt de Darney. Autre industrie grande consommatrice de bois, les salines dans la vallée de la Seille. qui ont épuisé les forêts limitrophes de ces salines de Dieuze, Marsal et Moyenvic, mais aussi beaucoup plus lointaines, comme ce plan l'indique. C'est un plan des forêts de Réchicourt-le-Château et qui indique toutes les coupes réglées ici. Les numéros, c'est les années de coupe qui vont servir à alimenter les poêles des salines dont le bois est transporté ici sur le canal de flottage de bois. Ça, c'est une carte d'arpentage des forêts qui a été aussi levée pour connaître les surfaces forestières destinées aux salines de Dieuze et Moyenvic. Autre questionnement sur ces usages anciens, les pâturages en forêt. Donc, on a des documents comme ces plans terriers qui sont des documents du début du XVIIIe siècle. C'est l'ancêtre du cadastre. Hein. Donc, ce sont des plans très précis au niveau de l'occupation et de la nature des sols. Donc, on a ici, vous voyez, tous les sols cultivés, les prairies et puis les surfaces forestières, avec ici l'indication de pâturage, de zone de pâturage dans la forêt. Et dans cette zone, si on est sur le banc de Langatte, là en Moselle, ces indications ici des mardels qui ont aussi été sujets de recherche entre historiens et scientifiques. Alors ça, c'était un document d'autant plus important que ces parcelles que l'on voyait ici de pâturage, on les retrouve sur un siècle après, sur la carte d'état-major. Vous voyez ici, ce sont exactement les mêmes vides et clairières qui sont restées en place. Donc encore un plan ici sur lequel sont localisées toutes les mardelles de la forêt d'Envillers ici. Alors moi, en tant qu'historienne, je vais vous présenter trois des études auxquelles j'ai participé, deux qui sont terminées et une qui est en cours. Donc la première, c'est une étude qui a été menée sur 10 ans, à partir des années 1995, dans les massifs de la forêt de la Harte et de la Harte Nord, sur les forêts de la Harte Nord, en Alsace, qui s'intéressaient aux clairières et prairies sèches qui sont encore d'ailleurs très très nombreuses dans ces forêts. Et l'écologue avec lequel je travaillais voulait avoir une connaissance de leur localisation, leur ampleur, mais aussi de tout ce qui avait été pratiqué en matière de sylviculture ou agricole sur ces prairies et clairières. Donc on est parti sur des plans ici du XVIIIe siècle, sur lesquels vous voyez on a toutes ces clairières qui sont indiquées. Et le fonds d'archives a été tellement riche qu'on a pu faire des cartes par forêt avec une superposition des clairières à partir du XVIIIe siècle. Donc ici, ce sont les parties vertes sur lesquelles on a superposé les clairières et les prairies sèches à partir des photos aériennes de 1950 à 1997. Et sur chaque prairie ou clairière sont indiquées toutes les références que l'on a pu trouver dans les archives. Donc souvent des clairières qui ont été pâturées, cultivées, des essais de reboisement qui ont échoué et qui sont retournés en nature de clairière ensuite. Une autre étude différente ici, c'est l'étude qui a été menée dans la forêt de Haye, donc près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Donc ce site faisait depuis 1998 partie d'un programme de recherche pluridisciplinaire, donc composé d'archéologues, donc surtout Muriel Leroy qui a travaillé sur ce site, d'écologues, de chercheurs de l'INRA aussi et d'historiens associés. Donc les premières études portaient sur les habitats et les parcellaires fossiles gallo-romains qui sont conservés sous couvert forestier, ainsi qu'évidemment leur impact sur la biodiversité et la fertilité actuelle. Donc les premières études ont été faites à partir de prospections pédestres et à partir de 2000, avec l'arrivée de la méthode de télédétection LIDAR, dont vous avez ici une représentation. Évidemment, on voit que les prospections sont totalement renouvelées et surtout vont aller beaucoup plus loin, puisqu'on va détecter des parcellaires fossiles indétectables à l'œil nu, notamment pour la période médiévale et moderne. Donc ici, on a la représentation de tout le parcellaire antique. Donc on voit que la forêt était complètement anthropisée. Et ici, donc, des parcellaires de la période médiévale jusqu'au XIXe siècle. Et donc, c'est là que je suis intervenue pour les recherches historiques, afin de rechercher et la chronologie et l'usage de ces différents sols. Enfin, l'étude que j'ai commencée actuellement, c'est une étude sur une forêt qui fait partie de la forêt domaniale de Saint-Quirin en Moselle, et plus précisément sur une parcelle, puisque Bernd a mis en place une parcelle expérimentale dans cette forêt, C'est dans ce cadre-là que j'ai commencé les recherches aux archives, qui ont été interrompues parce que les archives de Meurthe-et-Moselle sont fermées jusqu'au mois de juin, donc elles vont recommencer. Donc, en résumé, sur cette forêt, on a déjà la chance d'avoir des données archéologiques, puisqu'il y a une fouille d'une nécropole gallo-romaine qui a été faite à la fin du XIXe siècle, dont les objets sont déposés au musée du Pays de Sarrebourg, dont vous avez quelques fiches ici. Récemment, des fouilles de carrières ont été aussi faites, donc de carrières aussi d'origine certainement gallo-romaine. Donc cette forêt, elle appartenait à l'abbaye cistercienne de Haute-Saye, qu'on voit, moi je ne le vois pas bien, mais elle doit être par là, sur la commune de Ciré-sur-Vezouze. Et cette abbaye, elle y établit une métairie de la Neuve-Grange, dont dépend la forêt et aussi une scierie. Et c'est à partir des documents d'archives de l'abbaye de Haute-Saye, donc dans les séries H surtout, que j'ai pu recenser des données sur surtout la gestion de la forêt du XVIIe à aujourd'hui, avec des données qui deviennent de plus en plus fines au fur et à mesure que l'on avance dans les siècles, surtout à partir du XVIIIe siècle, où avec des documents comme ceux-ci, on peut avoir une donnée assez précise de la surface. D'ailleurs, la surface forestière, j'ai réussi à montrer qu'elle avait fortement diminué au XVIIIe siècle parce qu'on a énormément de défrichements. Ce qui veut dire que la parcelle sur laquelle est établie l'expérimentation a certainement été défrichée au XVIIIe siècle puisqu'elle vraiment, elle est collée à cette métairie. Donc la forêt reprend en fait sa place lorsqu'elle devient forêt d'État en 1700 après la Révolution. Et on voit qu'on a une forêt qui est quand même assez riche puisque la valeur à l'arpent du bois est de 200 livres alors que dans les autres forêts, elle ne dépasse pas 150 livres. Donc les données vont s'affiner avec les plans d'aménagement à partir le 1er de 1847 où là on va avoir des détails de tout ce qui est gestion et composition de la parcelle. Donc de plus en plus fin, jusqu'à ces plans d'aménagement allemands, où on a ici, c'est la parcelle étudiée, vous voyez, on a la composition du sol, la composition de la parcelle, on a même le cubage et le nombre d'arbres, les essences évidemment, et surtout les traitements qui sont effectués. Donc je vais laisser la parole à Bernd pour vous parler de la partie scientifique. Ok, la partie scientifique, ça change un petit peu, c'est des représentations un petit peu différentes. Ici, je vais commencer quelque chose avec qui est assez important, c'est le cycle biogéochimique en forêt, le fonctionnement, comment fonctionne une forêt. C'est quelque chose d'assez simple, il y a des apports qui sont des apports, un cycle interne et des sorties. Et ici, les apports, vous voyez le plus, ça c'est surtout des dépôts atmosphériques, c'est tout ce qui est poussière, des dépôts liquide avec la pluie ou gazeux. Et après, les sorties, une autre partie qui enrichit le sol, c'est l'altération, c'est à partir de roches-mères qui est altérée, et pendant cette altération, c'est un certain nombre de minéraux qui viennent disponibles pour les plantes. Après, si vous regardez sur le côté gauche ici, vous voyez un petit peu la distribution des éléments nutritifs, du carbone dans le sol. Vous voyez, il y a plus en surface qu'en profondeur. C'est aussi quelque chose qui montre aussi que lors du fonctionnement de la forêt ou de la végétation fait que les éléments, le carbone et aussi des éléments nutritifs s'accumulent en surface. Et comme ça, cette surface du sol, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est une partie qui est à la fois déterminée pour le recyclage des nutriments, mais aussi c'est quelque chose qui est, vous voyez, c'est sur le côté droit, qui a aussi un certain nombre de processus qui peut impacter très fortement ce recyclage ou peut avoir des lieux à des exportations qui peuvent être plus ou moins importants. Si vous regardez ici, vous avez des exportations qui sont liées à la coupe du bois, quelque chose qui est une utilisation tout à fait normale dans une forêt. Mais avec cette coupe, vous avez des exportations de nutriments et aussi du carbone. Et après, vous avez plus bas, vous avez quelque chose qui est important, c'était dans la forêt, dans le temps, il y avait une occupation de forêt par tout ce qui est pâturage. Le pâturage, c'est des cochons qui vont rentrer dans la forêt, plus important que les sangliers actuellement en population, c'est plus important. Il y a des vaches et tous ces animaux, ils vont soit pâturer sur toute la végétation verte, soit les cochons, ils vont manger des glands et en même temps, ils vont aussi remuer le sol qui peut avoir des effets sur le cycle des éléments et peut avoir des perturbations, peut induire des exportations de nutriments qui sont plus importants et en même temps il peut aussi induire des lessivages qui sont très importants. Si on regarde avec cette background là, c'est quelque chose d'important à garder en tête pour le fonctionnement, mais c'est un fonctionnement qui est aussi fortement impacté par l'homme. Et comme vu avec les données historiques, c'est quelque chose, l'homme, il a une forte influence sur les choses qu'on voit actuellement, c'est quelque chose qui reflète tout son passé historique. Si on regarde un petit peu, on fait un petit résumé sur cette partie-là, on voit que l'usage, différents types d'usages, l'exportation du bois, c'est pour le chauffage, pour le saline, pour le scierie, le bois marine, pour le verri, pour faire la potasse, c'est quelque chose d'usage. Et après le pâturage, et les événements exceptionnels qui arrivent fréquemment ou moins fréquemment, comme il y a des tempêtes qui sont les guerres, et après, c'est tout cet événement-là qui peut faire la déforestation ou afforestation. Ensuite, des actions. Et le prélèvement, il y a souvent un prélèvement assez important du bois, avec laissant peu ou pas de résidus au sol. Il y a la collecte litière qui est possible, qui est utilisée comme litière pour les animaux, soit utilisée pour l'amendement. Et ensuite, après, pour l'usage du pâturage, la consommation des glands, mais aussi qui vont aussi impacter la macrofaune. Et après, sur l'événement exceptionnel, c'est le sol qui est fortement remué par endroits. Et après, il y a aussi, après cette tempête, il y a aussi toujours l'intervention, le bois qui est tombé, il faut l'extraire. Lors de cette extraction, il peut y avoir des effets qui sont un petit peu traumatisants pour le sol. Et après, les conséquences, c'est surtout l'exploitation des nutriments, une perturbation de la faune du sol et du cortège microbien. Et après aussi, l'homme peut aussi jouer sur le changement d'essence. Et après, vous avez vu cet usage historique, mais actuellement, la gestion actuelle de la forêt, il y a aussi contexte à certaines évolutions qui sont liées au changement climatique. Après, aussi à tout ce qui est change énergie renouvelable, qui est le bois biomasse. Et après, dans ce contexte-là, j'ai mis en place un réseau expérimental qui s'appelle MOS et qui traite la question suivante, quels sont les effets à court et à long terme d'un prélèvement accru des menus bois, des résidus de coupe ou des arbres entiers sur le fonctionnement biogéochimique, la biodiversité et la croissance des arbres. Comme ça, c'est-à-dire dans la forêt de Neuf-Granges, c'est une placette du réseau qui était mise en place. C'est le réseau, c'est 2 hectares. Et ensuite, sur 2 hectares, on met en place un certain nombre de traitements. On met en place 4 traitements, un traitement contrôle, un traitement où on collecte tout le menu bois, toutes les branches. Troisième traitement, on fait pareil, on collecte toute cette partie-là, mais on apporte en même temps un amendement qui est calcomagnésien, qui devrait restituer une partie de nutriments. Et après, on fait un quatrième traitement, qui n'est pas un traitement réaliste, mais on enlève les branches et la litière pour avoir une idée sur les conséquences qui sont le plus fort d'une sylviculture qui n'est pas réaliste, mais qui est comme pour avoir un petit peu les bornes pour toute cette partie-là. Et après, ici, je vous montre quelques résultats sur des effets à court terme. On a commencé en 2014, en 2019, c'est comme ça qu'on a un effet sur 5 ans. Ça, juste quelques photos. Sur la photo-là, vous voyez qu'est-ce que ça donne, la quantité de branches qu'on récupère après, qui sont laissées après une coupe. Ensuite, comment évaluer son poids. On utilise une pelleteuse avec une balance, comme ça on fait des fagots, on pèse. Ensuite, ça c'est une illustration où comment on enlève la litière au sol, qui est quelque chose, un traitement assez facile à faire avec des souffleurs. Et ensuite, une photo d'une parcelle qui était, où toute la litière est enlevée. Et par rapport à une partie qui n'était pas perturbée. Après, comme j'ai déjà dit, on travaille sur la forêt de la Neuf-Granges. On a actuellement, c'est le palacette 84 qui est sur la carte actuelle, sur le parcellaire actuel. Et après, sur le parcellaire de 1886, c'est un numéro différent, mais là, on peut très bien. Cette parcelle-là était très, très bien identifiée. Juste pour vous montrer sur la carte de France, vous voyez Saint-Quérin est là, et les autres sites réseau Étré se trouvent dans la partie nord de la France, où l'Étré est très répandu, et ils sont situés dans le grand massif d'Étré en France. Après, sur le résultat, on regarde, c'est facile à comprendre, j'ai travaillé sur la fertilité du sol. Ici, on regarde le sol en surface, c'est 5 cm de profondeur, et ensuite les prochains 5 cm. Et après, qu'est-ce qu'on observe? On observe par, si vous avez les effets négatifs, c'est comme ça que vous enlevez la litière au sol, et après vous avez observé par rapport au contrôle qui est sur le côté-là, vous observez des effets qui sont plus ou moins importants. Après, sur le court terme, on observe une diminution des stocks en phosphore, qui est un élément nutritif très important, mais qui est présent en quantité limitée, et vous voyez ça en surface, et en plus profond, en sol plus profond. Après, vous voyez aussi quelque chose de diminution de la fertilité du sol. Et comme ça, vous avez, c'est quelque chose, même avec un traitement qui n'est pas très important, on voit un effet très rapide sur certains aspects de la fertilité des sols forestiers. Et quelque chose comme ça, qui aussi, c'est la même chose, on voit ça actuellement, mais c'est aussi quelque chose qui a lieu pendant des traitements similaires historiques. Sur la microbiologie, on voit deux choses en haut. Vous voyez que c'est une situation de stress. Comme ça, le nombre de bactéries et de champignons augmente pour pouvoir exploiter des sources de carbone et des sources de nutriments qui sont la matière organique qui est plus âgée. Pour s'attaquer à cette partie-là, il faut être plus nombreux et il faut avoir certaines enzymes qui sont plus adaptées à ça. Comme ça, les populations augmentent à la fois, mais aussi elles changent. C'est les populations, elles augmentent, mais ce n'est pas les mêmes champignons qui augmentent, c'est certains champignons qui sont les plus adaptés à cette situation-là. Ensuite, vous avez une idée sur la biodiversité bactérienne. On voit c'est pour l'ensemble des peuplements. On voyait qu'il y a un impact sur la communauté bactérienne et il y a aussi un impact sur la communauté fongique. Et après, ça, c'est des sols qui sont... Ça, c'est dans Darnay, c'est les Vosges, Compiègne, vous connaissez. Verrey de Grosbois, ça c'est le Jura, et Carrefontaine, c'est Normandie. C'est-à-dire que sur tous les sols, si vous appliquez le même traitement, vous avez obtenu à peu près le même résultat. C'est-à-dire que cette vulnérabilité, quelque chose, un caractère assez universel de ce traitement-là. Et après, pour revenir à l'usage historique, quelque chose, c'est encore le projet est en route. On n'a pas encore beaucoup de données sur la partie historique. C'est quelque chose comme ça. On aimerait bien avoir une idée très précise qu'est-ce qui se passait sur la placette et ensuite évaluer très précisément qu'est-ce que c'est comme effet sur le nutriment et sur le carbone. Je vous montre sur le 9 Granges. Il y a certaines données ici qui sont du 17e siècle. Le prélèvement, on a trouvé des données sur 20 hectares. Ils sont collectés 5000 stères, qui est comme assez important. Ensuite, ils exploitent le bois d'écorce. Deuxième chose, il y a des arbres pour la construction et il y a des branches qui sont utilisées pour le potasse. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, comme ça, on utilise tous les composants des bois qui sont présents, sont utilisés. C'est le bois qui est exporté, les branches qui sont exportées, l'écorce qui est aussi sortie de la forêt. Et en plus, vous avez encore la potasse et le pâturage. C'est comme ça, l'exploitation, c'est assez, assez intense et ça peut avoir des effets assez, assez importants. Si je vous présente quelques données, si vous coupez le bois, vous exportez environ 25 tonnes de biomasse avec le menu, avec les branches, qui fait 240 kg d'azote, qui est quelque chose d'assez important. Et si vous faites enlever la litière, c'est 3 tonnes par hectare par an. Et ça fait environ 30 kg d'azote sur un an. Mais si vous raclez la litière plusieurs fois dans un siècle, jusqu'à 20 fois, ou 30 fois, ou 40 fois, ça fait des quantités très importantes. Très, très importantes. Et après, actuellement, on est, comme je dis, le couplage est fait entre les études. Les données ne sont pas encore, toutes les données sont pas encore exploitées. Mais après, c'est l'idée de faire un couplage entre l'effet historique sur le fonctionnement actuel de la forêt. Je vous remercie énormément pour votre attention et j'espère que vous avez quelques questions à me poser. Merci.